soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, le tour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez 89.5 sur la bande FM et puis peut-être bien surtout aujourd'hui après ce temps orageux via la toile et le stream, les www.radiodio.org. Bienvenue dans ce programme des mots, des sons sensibles, actualité politique, sociale et culturelle. Actualité politique et culturelle, je dirais aujourd'hui, avec un sujet essentiel à l'ordre du jour. Nous allons, je voulais rappeler hier, revenir sur ces rencontres qui vont se tenir ce dimanche 13 octobre. Rencontre autour des mémoires d'Albert-Paul Lantin. Ce sera ce dimanche 13 octobre de 14 à 19h à l'Amicale Laïque du Crédroc. Et à cette occasion, nous recevons en studio Dominique Lantin, fils d'Albert-Paul Lantin. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue sur le 895 de Dio. Tu es donc fils de Albert-Paul Lantin, ce journaliste militant qui a donné lieu à plusieurs émissions de radio déjà. Ça fait quelques temps qu'on se croise autour de ce projet. Il y a quelques années de cela, je dirais presque bien une décennie, j'imagine. Un fils de Constantine, cela avait fait l'objet d'un livre-disque que tu as co-réalisé. Et puis, on s'était revu il y a 2 ans de cela pour Un fils de Constantine 2, deuxième volet, qui donnait l'occasion là d'un spectacle, théâtre musical, que tu avais pu jouer au Verso et en d'autres lieux avec des artistes cubains associés. Et on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour ce temps de rencontre prévu ce dimanche. Oui, alors c'est vrai que le temps passe vite parce que le premier disque, là, j'ai travaillé sur les interviews de connaissances de mon père, c'est-à-dire des gens qui souvent avaient été soit dans le FLN, enfin qui partageaient ses combats. Et j'ai commencé en 2000, donc ça fait déjà presque 24. Ça fait déjà un bout de temps. C'était près 7 ans après la mort des parents qui sont morts en 93 à 3 mois d'écart pratiquement. Et donc, c'était cette envie de, à la fois poésie et politique, puisque lui, toute sa poésie qu'il avait écrit pour lui, hein, qui n'avait pas été, qu'il n'avait pas cherché à faire éditer, ça a beaucoup été écrit pendant la période de la guerre d'Algérie. Donc, déjà plus quelques années pour faire les interviews et puis faire le disque et faire un certain nombre de représentations publiques avec des lecteurs et des musiciens et différents selon les occasions. On va revenir plus en détail, hein, Dominique, sur d'accord. L'ensemble du projet. Là, c'est simplement un petit mot de lancement, d'ouverture et de présentation assez sommaire et général. On aura l'heure, bien sûr, pour évoquer tout cela ensemble plus en détail. Je te propose simplement, avant de te retrouver pour cette partie entretien, de faire une première proposition musicale. Nous reviendrons sur ces rencontres, sur Albert-Paul Lantin et tes activités associées, hommage finalement, durant ce programme. Simple proposition musicale en ouverture de ce programme, je le disais, c'est dans le cadre de notre fédération nationale, la Fédération des radios associatives rock de France, ou Fédération radio de musiques actuelles. L'Affaire à Rock qui vous propose double artiste album chaque semaine. Et je vous ai proposé hier le premier artiste soutenu, Golden Bug, et son album Psycholabis 2, sorti via Label Records. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur l'autre proposition cette semaine. C'est une autoproduction, c'est une artiste, Ingrid L'Aventure de son vrai nom, pour un projet musical qui porte le simple titre de L'Aventure. elle est originaire de Strasbourg et elle a plutôt tendance à travailler comme ça de façon intimiste, voire confinée dans sa chambre. Elle a sorti ce premier EP, très largement joué sur les médias, et elle commence à faire son petit bonhomme de chemin puisque elle fait partie notamment des finalistes du prix Chorus 2024. Et a pu jouer en différents lieux ici et là, comme au Studio 104 pour Nouvelle Scène Radio France, Le Mama, Crossroads et j'en passe. Je vous propose de découvrir l'aventure donc, qui dévoile son tout premier EP en autoproduction intitulé Mad Girl. L'autrice-compositrice strasbourgeoise qui propose un registre pop, dream pop avec influence soul R&B qui me convient moyennement en ce qui me concerne tout à fait personnellement, mais vous allez vous en faire une propre idée avec ce titre là qui semble être le petit ovni de l'EP qui s'intitule Virtuos, un texte qui traite du fait d'être jugé pour son nombre de conquêtes, une sorte de doigt d'honneur au slut shaming, une fusion entre pop 80s et R&B pour l'aspect musical, avec des synthés à la justesse parfois douteuse et un final assez hypnotique. Virtuos de l'aventure, c'est la découverte Ferrarock cette semaine, des mots, des sons sensibles, c'est parti. We could ride away. L'aventure et le maxi Mad Girl en découverte partenariat Ferrarock cette semaine. En autoproduction, aux côtés de Golden Bug, Psycholabis 2, paru sorti d'ailleurs fin de semaine dernière via Label Records. Ce sont les artistes soutenus cette semaine via la Ferrarock. Plus d'infos via le site dédié ferrarock.org ou en écoutant bien sûr le programme collectif et mutualisé Dig Dig Diggers qui revient en interview sur ces artistes et albums soutenus cette semaine. Interviews qui seront réalisées par Radio Méga ou Sol FM à Oullins. Ce sera ce vendredi, bien sûr, 12h-19h, en rediffusion lundi en matinale dès 8h avec un autre petit module, troisième module découverte autour des Inouïs du Printemps de Bourges. Et une petite sélection live qui vous sera proposée. Ce sera donc ce vendredi, Dig Dig Diggers et ferrarock.org pour autres infos actu Ferrarock. Les mots des sons sensibles aujourd'hui avec Dominique Lantin, avec nous au micro et invité en studio pour nous parler de ses rencontres autour des mémoires de son père, de ton père Dominique, Albert-Paul Lantin. Ce sera ce dimanche 13 octobre de 14 à 19h à la CAL, l'Amicale Laïque du Crédroc, située 16 rue Royer à Saint-Étienne, avec diverses interventions et témoignages prévus et puis une lecture ou des lectures concerts autour du projet Un fils de Constantine que tu commençais à nous présenter justement en ouverture de ce programme. C'est à entrée libre pour ce dimanche 13 octobre en partenariat avec la fabrique d'Andrézio Boutéon qui t'a très largement soutenu dans ce travail ou ses travaux justement aussi de création, ainsi que le réseau Trace, Histoire, Mémoire et Actualité des Migrations en Auvergne-Rhône-Alpes. Un réseau, je dirais, ou association partenaire d'IO d'ailleurs, hein, qu'on a largement suivi au travers de sa biennale qu'elle organisait alors. Pour l'instant et pour l'heure, me semble-t-il, suspendu, mais le réseau Trace reste très actif sur ces questions. Et précisément en témoigne cet événement proposé ce dimanche à entrée libre. Simplement avec des fonds qui seront reversés à Medical Aid for Palestinians. Donc une action aussi de solidarité qui est prévue. Alors pour revenir sur ces mémoires d'Albert-Paul Lantin, Dominique, tu commençais à évoquer justement ce premier travail, ce livre-disque « Un fils de Constantine » que tu as sorti il y a, je sais pas, en tout cas ça a commencé il y a presque 20 ans, non ? Oui, oui, il est sorti maintenant, il n'y a pas tout à fait 20 ans, mais comme j'avais travaillé début des années 2000, il n'y avait pas de sous, donc j'ai fait ça en 3-4 ans, les interviews, etc. Il a dû sortir, je crois, en 2004, un truc comme ça. Et donc un premier travail qui portait essentiellement en effet sur des entretiens que tu as réalisés auprès des personnes qui ont pu côtoyer ton père finalement, qui étaient, pour le présenter, des journalistes, des militants. Comment oui, tu avais procédé aussi des pour figures ce premier du FLN, hein, c'était très émouvant, par exemple Mourad Bourboune, Mohamed Harbi, et d'ailleurs on va ouvrir la rencontre, ce sera ma fille Maya là, qui lira ce texte, qui n'était pas un texte hein, qu'avait raconté Mourad Bourboune comme ça en entretien, et qui peut se dire vraiment comme un texte tellement ce qu'il a dit sur Albert-Paul Lantin, c'était assez fort pour moi. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi, il y a aussi dans le premier disque beaucoup de choses sur la poésie, qui est cette poésie écrite pendant la guerre d'Algérie, parce que c'était quelque chose qui n'a jamais été édité. Puis pour moi, par rapport à mon travail, qui est quand même, moi je suis d'abord un musicien de musique expérimentale, moi je défends certaines, on va dire, de formes, on va dire, de musique non conventionnelle. Donc, et on revient un peu... Pour ceux qui ne te connaissent pas, on te connaît depuis plus de 40 ans maintenant, hein, au travers de différents projets que tu as défendus ici et là, sur la scène locale mais internationale, que ce soit avec les Dagon, les I, les Galeries Brossard, Uncle Mac, avec Bob Lipman qui d'ailleurs participera dimanche, me semble-t-il, à cette rencontre aussi. Bref, voilà, tu as aussi cette activité-là importante. Bah, c'est sûr que ma vie, c'est quand même la musique. Et après, l'affaire d'une certaine façon, aujourd'hui, cette année, j'aurai 70 ans. Donc, le temps passe. Mais c'est vrai que c'est une rencontre inédite, quoi, cette rencontre de dimanche, parce que c'est, on a bossé là-dessus avec Léla Ben Sharif, donc c'est à la fois la politique, et c'est pour ça il y a deux, on va dire, rencontres où on va parler, quoi, de conférences. Il y a quand même Alice Cherki, si je fais un peu un déroulé programme, qui ça va commencer avec ma fille. C'est aussi un truc familial, puisqu'il y aura mes deux filles. Il y a Diane Lantin qui va faire un documentaire, et là on commence à tourner, donc c'est important d'avoir des gens comme Alice Cherki, qui a 90 ans aujourd'hui, enfin maintenant, qui fait un documentaire sur quoi? Sur Albert-Paul Lantin, justement, okay. Pour avoir quelque chose qui corresponde à notre vision, nous, de la famille, de... Donc, Alice Cherki qui va parler d'Albert Paul, parce que c'était une amie à lui, hein, je veux dire. Donc, elle m'a dit, moi, je viens, il n'y a pas de souci. Écrivaine, psychiatre, ouais, qui a, psychanalyste. Qui, spécialiste de Fanon, puisqu'elle a été proche de lui pendant 4 ans en tant que psychanalyste. Et d'ailleurs, elle est la veille sur un colloque sur Fanon à Lyon. Donc, elle vient le lendemain. Et puis après, il y aura une lecture avec Jean-Paul Delors, avec qui j'ai fait beaucoup de choses en Afrique, qui est un metteur en scène et qui est très, quand même très metteur en scène. Je pense qu'il, sur le son et la musique, va très loin par rapport à beaucoup de metteurs en scène. Je veux dire, l'univers musical, là, il y a un disque qui vient de sortir avec Louis Clavis et puis un contrebassiste, Sébastien Boisseau. Donc lui, il a toujours été proche de l'arfi, des musiciens, de l'improvisation, des musiques innovatrices, avec un théâtre avec beaucoup d'acteurs africains. Donc on se retrouve là, pour ça fait un moment, 4 ans, qu'on n'a pas bossé ensemble. Et puis après, y a Bachir Ben Barka qui nous fait aussi l'honneur de venir, qui est pour parler... Albert-Paul Lantin était un ami de Mehdi Ben Barka, donc leader marocain de l'indépendance, qui a été assassiné. Donc ça fait le lien avec, parce qu'il était le numéro un de la préparation de la conférence de la tricontinentale en 65, qui a eu lieu à La Havane. Donc tout ça ramène aussi après la suite du 2, qui était un peu plus sur la partie cubaine de l'histoire et de la tricontinentale. Et après, en quatrième, on aura une deuxième lecture, là, avec des musiciens de Saint-Étienne. Il y a 7 comédiens. Je suis content d'avoir aussi Clémentine Faure, Nina Bianchi, de pouvoir faire la proposition à des gens de 30 ans qui vont continuer, j'espère, la lutte après nous. Lutte, c'était un peu Albert-Paul Lantin, c'était la lutte pour dénoncer sans arrêt l'exploitation, l'injustice, et c'est tout le combat de sa vie. Il n'a jamais arrêté, en fait. Anti-impérialiste, anti-colonialiste, et donc bon nombre d'artistes associés là pour cet hommage finalement autour du projet Un fils de Constantine, lecture-concert. Tu en as cité quelques-uns, mais il y aura aussi Françoise Basset, Damien Grange, Patrice Latanzi, Isabelle Lantin, Maya Lantin, Bob Lippmann, Bibredon, Ravière, Urosola, qui avait participé au projet Un fils de Constantine II, justement. Voilà, alors c'est tout, à la fois des amis, des gens avec qui j'ai travaillé, ou c'est la famille, ou c'est... c'est un peu aussi une occasion, alors ça va être un peu improvisé, mais de faire de la rencontre texte et les musiques, les musiques qu'on aime bien, qui restent parfois dissonantes. Moi, je trouve qu'on est dans un monde où j'entends beaucoup de musique très consonante. Ouais. J'ai besoin de dissonance. Alors, au fur et à mesure, on va essayer de rentrer un petit peu dans les choses peut-être plus précises pour nos auditeurs auditrices qui ne connaissent absolument pas Albert-Paul Lantin et ses activités et finalement aussi l'héritage qu'il nous laisse. Un fils de Constantine, un premier livre-disque sur lequel tu as travaillé, qui permet, comme tu le disais, en musique, de rentrer dans aussi le travail et la réflexion de ton père. Oui, c'est déjà Un fils de Constantine, le titre, et c'est pour ça que je le poursuis avec Un fils de Constantine II, c'était le titre qu'il voulait donner à ses mémoires qu'il a jamais écrites. Donc c'est pour ça que c'est le choix. Il était né à Constantine en 23, il a fait de la résistance à Alger, après quoi il s'est retrouvé jeune à aider un procureur au procès de Nuremberg. Ensuite, il rentre dans le Libération, l'ancien, qui a duré, je pense, plus de 10 ans, juste après la guerre. Il travaille jusqu'à la fin, je crois, de Libération. Après, il va rentrer à France Observateur, où à l'époque, on avait des gens comme Jean-Louis Bory, comme Copy. Et puis ensuite, il quittera l'Observateur pour fonder avec d'autres gens Politique Hebdo, qui est un journal entre les années 70 et 80, qui a servi de tribune beaucoup pour tous les opposants d'Afrique, d'Amérique latine, de gens qui subissaient les dictatures. Au sein de Politique Hebdo, il y avait, bon, c'était un journal militant, hein, moi, qui n'avait pas de l'argent comme les, je veux dire, et qui, donc lui, il, après l'indépendance de l'Algérie, il se spécialise un peu, c'est lui de la cause palestinienne, quoi. Il y avait une femme, je me souviens pas là tout de suite de son nom, qui était sur l'Amérique latine, chacun avait un peu son, et donc, bah oui, à la suite de, après un long, plusieurs livres, un engagement sur la, pour l'indépendance de l'Algérie, d'ailleurs, on avait une bombe à la maison. Moi, j'avais 7 ans, puisqu'on a grandi à Paris, là, dans une rue. Vous aviez été plastiqué. On a été plastiqué. Et donc, à la suite de ça, son engagement, c'est surtout pour son sujet principal, hein, même s'il écrivait sur beaucoup d'autres choses, c'était quand même la Palestine. Donc, pour ça, ça a bien du sens qu'aujourd'hui, si on a un peu de sous, ça parte pour aider la population palestinienne avec les médecins. Et de quelle manière il a pu justement s'intéresser au conflit israélo-palestinien, concrètement ? Oh ben, moi j'avais repris, là j'ai pas amené, mais déjà ses positions dans Tribune juive dans les années 60, voilà, il se définit comme antisioniste, il explique pourquoi, je veux dire, pourquoi il trouve pas normal que quelqu'un qui vient de n'importe quel bout du monde entier ait plus de droits qu'un Palestinien, déjà à l'époque, même si la situation était pas, voilà, je veux dire, il avait des analyses claires et précises, et je pense qu'il a, à la suite de Politique Hebdo, il avait écrit un article sur les massacres de Sabra et Shatila qui est quand même assez, je veux dire, là, c'est sûr que la cause palestinienne, ça rentrait dans ses analyses, ça me semble assez, vu sa vision politique globale, c'était assez normal que, je veux dire, il soit partie prenante dans cette histoire. Quoi. Oui, c'était aussi une vision internationaliste. Voilà. Hein. C'était spécialiste ou souvent considéré comme tel, peut-être en effet du Maghreb ou du Moyen-Orient ou de l'Algérie, mais pas seulement. C'était aussi les autres conflits comme ça, prégnants de par le monde. Hein. Oui, parce que je pense que son truc, c'était quand même l'analyse de politique mondiale. Et c'était ça. Ces nuits, il écrivait jusqu'à 3h du matin et toujours avec cette idée, les salles de rédaction, d'analyse, d'un journalisme, d'analyse, quoi. Et ça, le journalisme, finalement, qui a finalement aussi été la continuité logique de son engagement, militant premier, finalement. Oui, oui. D'ailleurs, il est résistant, définit, enfin, très, très jeune, hein, 17 ans. Bah, il commence, à entendre... d'ailleurs, je pense que quand j'avais parlé avec lui, il me disait les premières choses racistes qu'il a entendues, c'était contre les Juifs à Constantine. Et c'était, issu de Vichy, les croix de guerre, etc. Et après, après, il se retrouve à faire de la résistance à Alger à 20 ans et les choses s'enchaînent. Quoi. C'est ça, il fera partie du groupe qui s'empara d'Alger le 8 novembre 1942 afin de préparer le débarquement américain. Chargé de mission ensuite au tribunal de Nuremberg en 1946. De ce que j'ai pu voir aux côtés d'Edgar Faure, donc à l'instruction des procès des criminels nazis. Oui, c'est ce passage à Nuremberg. Je pense qu'il a été... des fois, il manquait pas d'humour. Hein. Il disait, il y en a quelques-uns, on pense en parlant de certains collaborateurs, si on avait pu les faire pendre. Mais bon. Ouais, et c'est ensuite qu'il embrasse la carrière de journaliste, donc, et qu'il met sa plume de militant au service de divers journaux, comme tu l'as cité, jusqu'à RFI, même à la retraite, hein, dans ses dernières activités. Oui, il a fait aussi des interventions à la fac de Vincennes, mais c'est vrai que dans les années où il était à Libération, on est un peu plein guerre d'Algérie. Il écrit aussi deux livres, peut-être le plus important étant Le Dernier Quart d'Heure, où il parle qui est écrit avant. Et c'est, Je pense qu'au début, les gens, les journalistes qui ont pris parti pour le FLN, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, il n'y en avait pas tant que ça, quoi, qui avaient une position... Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens, hein, c'est pas que lui, et puis il y a des gens qui sont morts, hein, des Français pour en soutenant la cause de l'indépendance de l'Algérie, mais disons les journalistes à Paris qui étaient un peu connus, etc. Puis il a aussi un peu facilité les pourparlers, on va dire, pour l'indépendance entre le FLN et certains gaullistes de gauche qu'il connaissait. Et oui, parce qu'il a finalement été envoyé spécial début 60, avant l'indépendance, en libération en Algérie, expulsé par les autorités françaises, mais finalement, ça ne l'a pas empêché de participer à des conversations apparemment assez confidentielles concernant l'indépendance donc, de l'Algérie dans cette période-là, donc jusqu'à 62, hein, entre les dirigeants algériens et responsables français. Bah, c'est-à-dire qu'il fallait essayer de favoriser les rencontres, parce que c'était pas si évident que ça, quoi. Donc, bon, intermetteur, voilà, un peu pour les rencontres, aider un peu à ce que les choses se fassent, quoi, pour arriver à l'indépendance. Et du coup, il bénéficie quand même d'un réseau assez improbable, assez incroyable. Bah, je pense qu'il y avait des amitiés avec des gaullistes de gauche et avec aussi les gens du FLN. En plus, c'était né en Algérie et en ayant pas pris aussi très vite quoi, la cause de la justice, qui était... Bon, il disait ça, quoi. Des fois, je me souviens, moi, j'ai fait deux guerres, quoi. Une contre les nazis et une autre contre la France, parce que la justice n'était pas de ce côté-là, quoi. Donc, ça lui posait pas de problème de dire « j'ai fait une guerre contre la France en étant français », quoi. Et alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, Mehdi Ben Barka, puisqu'il fut ami de ce leader marocain, puisque finalement ça fait partie de tous ces combats, justement, l'indépendance aussi des pays du Maghreb, important justement avec celle de l'Algérie étant intervenue, et donc l'émancipation aussi des peuples du tiers-monde, et c'est là où on glisse peut-être sur un autre de ses ouvrages, puisque c'est un hommage, il me semble, à Mehdi Ben Barka, c'est La lutte tricontinentale, qui a donné lieu, toi aussi, à ce fils de Constantine II, plutôt concentré finalement aussi sur cette lutte tricontinentale et donc cette réflexion et cet engagement au-delà même de panafricaniste, tiers-mondiste véritablement. Oui, alors c'est sûr que l'envie de... D'abord, c'est un vieux rêve avec ma fille, Diane, de dire un jour on ira faire un truc à Cuba. Et puis ça, il y avait ça, quoi. Lui, il a assisté pendant 15 jours à la conférence de la Havane. Resitue et représente ce qu'était cette conférence de la Havane, donc début 60, milieu 60. Oui, alors là, peut-être, je peux me permettre de lire le dos de couverture du livre de Saïd Bouamama qui s'appelle « La tricontinentale, les peuples du tiers-monde à l'assaut du ciel ». D'ailleurs, je crois que le livre d'Albert Paul, qui s'appelait « La lutte tricontinentale », c'était son livre de chevet quand il l'a écrit, et il se terminait par « À l'assaut du ciel ». Donc, le livre de Saïd Bouamama est quand même très, très sorti il n'y a pas très très longtemps, et je pense que ça définit assez bien. Alors, je vais lire ça. Le 3 janvier 1966 s'ouvre à La Havane la conférence de solidarité avec les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, plus connue sous le nom de tricontinentale. Vers la capitale cubaine convergent des représentants de tous les mouvements de libération et de tous les organismes du tiers-monde luttant contre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. Des personnalités importantes comme le chilien Salvador Allende ou le guinéen Amilcar Cabral sont également de la partie. Certains de ces délégués ont quitté pour quelques jours leur maquis pour participer à cette rencontre inédite. D'autres ont fait un périple de plusieurs milliers de kilomètres pour éviter les arrestations et participer au rendez-vous des damnés de la Terre. Au menu des débats se trouve la solidarité avec le peuple vietnamien et avec les autres luttes de libération nationale. L'ambition est aussi de coordonner les luttes des trois continents. Jamais une rencontre n'a suscité autant d'espoir chez les uns et autant de crainte chez les autres. La tricontinentale prit des décisions et décida d'une organisation tricontinentale pour mettre en œuvre... pour les mettre en œuvre. Elle participa à la socialisation politique de toute une jeunesse aux quatre coins du monde. Des rues de Paris à celles d'Alger, des maquis d'Angola au campus de New York, l'écho de la tricontinentale se fait entendre pendant plusieurs décennies. Elle porte l'espoir d'un nouvel ordre économique et politique mondial plus juste, plus égalitaire et plus solidaire. Le monde a changé depuis la tricontinentale, mais les questions posées et les stratégies déployées restent d'une grande actualité. La connaissance de cette période, de ses espoirs, de ses luttes et de ses erreurs est indispensable au combat d'aujourd'hui. Donc, je trouve que ça définit assez... c'est pas mal, quoi. C'est assez concentré. Et... Lutte tricontinentale et conférence de la Havane. Et justement, Saïd Bouamama, que tu viens de citer, qui figurait aussi au travers de ton projet théâtre musical, avec beaucoup de projections aussi qui étaient présentes pour ce spectacle, et bien que je propose justement d'écouter en toute transition. Tu viens de le citer. D'accord. On a 82 pays de représentés, 28 pays d'Afrique, 27 d'Asie et 27 d'Amérique latine. On a tous les courants politiques progressistes de représentés. C'est la première fois dans l'histoire de la gauche internationale, c'est la première fois qu'on a tous les courants de représentés et qui acceptent que ça soit sous l'autorité des peuples en lutte, c'est-à-dire sous l'autorité des gens qui sont les armes à la main, en train de mourir, etc. Autrement dit, vous allez y retrouver des gens qui soutenaient l'Union soviétique, des gens qui soutenaient la Chine, des gens qui étaient guévaristes, des gens qui étaient rien du tout, des gens qui étaient juste nationalistes. Le point commun entre tout ça, c'était la haine du colonialisme et la haine de l'impérialisme. Donc il y a une unité, mais qui préserve cette dimension de diversité. On comprendra que cette tricontinentale allait plus faire peur. Voilà, ouais, petit extrait de sa conférence qu'il avait donné à la CAL, justement. À Saint-Étienne, invité par... Il en a donné à Cuba aussi. Invité par les GC. Effectivement, qu'il a fait cette conférence dans pas mal d'endroits, notamment à Cuba, quoi. Donc, après, j'ai envie de parler de Bachir Ben Barka aussi, qui était venu, je pense, il y a une quinzaine d'années, déjà, le temps passe aussi, à Saint-Étienne, qui avait fait un truc aux France. Et là, il continue à chercher à avoir la vérité et là, pour le coup, les archives se sont pas ouvertes. Oui, parce que là, on va le préciser, en fait, Bachir Ben Barka, donc fils de Mehdi Ben Barka, qui a été assassiné. Donc, qui a été. Trois mois, je crois, avant la conférence de la tricontinentale. Et qui. Je vais lire un petit truc d'un livre qui s'appelle Mehdi Ben Barka, 50 ans après. Et. Donc, c'est la préface de Bachir. Et. Donc, ça dit. Le vendredi 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka, figure historique du mouvement de libération nationale marocain, leader du combat solidaire des peuples du tiers-monde et opposant au roi Hassan II, est enlevé en plein Paris, boulevard Saint-Germain. Il ne sera jamais retrouvé. 50 ans plus tard, deux procès et 40 années d'instruction judiciaire n'ont pas eu raison des secrets de ce qui est devenu l'affaire Ben Barka. La multiplicité des acteurs impliqués dans cette disparition et la difficulté à surmonter les raisons d'État de la France et du Maroc ne sont que des obstacles parmi tant d'autres dans cette affaire complexe. Alors qu'un nouveau juge d'instruction est actuellement en charge du dossier, il est plus que jamais nécessaire de découvrir ou de redécouvrir l'homme et le militant. De ses écrits en faveur d'une unité des peuples du Maghreb à l'organisation de la conférence tricontinentale à La Havane, en passant bien sûr par la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme. Rassemblé par son propre fils Bachir Ben Barka, les textes qui constituent cet ouvrage témoignent des combats de Mehdi Ben Barka et permettent de faire le point sur ce que l'on appelle aujourd'hui l'enlèvement et la disparition du chef de l'opposition marocaine. Voilà, extrait. Bachir Ben Barka qui sera présent dimanche. J'espère. Alors, la dernière fois que j'ai parlé, je vais savoir, là, il avait eu un problème d'opération de l'estomac. Son chirurgien voulait qu'il bouge pas, mais il m'a dit, mais ça devrait le faire et tout. J'en ai marre de pas bouger. Donc, j'espère, quoi, de toute façon, il avait très envie de venir et j'espère qu'un problème de santé va pas le retenir, mais je pense que il m'aurait téléphoné, quoi, s'il pensait qu'il pouvait pas venir. En tout cas, attendu, en tant que témoin précieux, je sais pas si ton père aurait apprécié le terme de témoin, lui qui parlait davantage de spectateur-acteur. D'ailleurs, il parlait témoin, je veux dire, dans le livre Le Dernier Quart d'Heure, il en parle de fait d'être à la fois journaliste mais aussi témoin et prenant parti, quoi, pas simplement témoin, je veux dire, donc il y a une réflexion là-dessus. Bachir Ben Barka, donc, qui œuvre sans relâche pour chercher la vérité sur l'assassinat de son père, et donc il va être au cœur de cette rencontre dimanche après-midi, puisque Albert-Paul Lantin, ton père a dédié cet ouvrage, La lutte tricontinentale, impérialisme et révolution, en 66, à justement son ami Mehdi Ben Barka, président du comité préparatoire de la tricontinentale, donc assassiné 3 mois avant l'ouverture de la conférence de la Havane. Comme tu le précisais, des disparitions, des assassinats, il y en a eu des centaines. Bah, beaucoup de leaders d'ailleurs du tiers monde, et anticolonialistes à l'époque, la CIA, ils ont quand même, je pense, tué un paquet de leaders du tiers monde, hein. Et ça, d'ailleurs, après la tricontinentale, ça a continué peut-être encore plus fort, puisque jusque quand Allende vient parler à la Havane, il est à ce moment-là, je crois, président du Parti socialiste. Il n'est pas encore président du Chili, quoi. C'est ça. Et on va faire une petite proposition musicale avec justement ces invisibles que tu avais mis finalement aussi quelque part à l'honneur, en exergue, au travers de ce fils de Constantine II, avec Los Oros Invisibles et ces deux artistes cubains, puisque tu es allé à La Havane, à Cuba, et pour poursuivre ce travail de façon plus artistique, plus poétique finalement, qui avait donné lieu à ce spectacle théâtre musical, et que je propose d'écouter avec un petit extrait de Yaima et Rolando qui étaient avec toi, qui t'accompagnaient quand tu étais venu nous rendre visite. C'était en mai 2022. Et on avait eu droit à une petite session ici, live studio, qu'on écoute de suite. Yaima, ici. Dominique, l'entend. Et moi, seulement, Rolly. Well, but they don't see the body river home. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Me gusta la jarana. Me encanta tirar puyas. La pachanga y la huya son clave para ser feliz. Burlarme hasta de mí. Hacerte sonreír hasta morir. Mi última voluntad, cuando me lleve el carro, que se prenda la conga hasta que suelte el fondo el carro. Quiero dejar atrás. Quiero dejar atrás. Al irme de este mundo, solo felicidad. Que bailen de la morgue hasta el cementerio. Que boten del velorio a todo el que esté serio. Que dancen mis cenizas junto a mi pueblo. Y sean la pachanga y la huya, tesoro nacional. Que dancen mis cenizas junto a mi pueblo. Y sean la pachanga y la huya, tesoro nacional. Et voilà. Voilà une chanson de Rolando Berrio qui s'est donc inspirée d'un poème humoristique d'Albert Paul Lantin qui s'appelait Le Cortège funèbre et qu'il a joué à Lyon il y a 15 jours, 3 semaines d'ailleurs. Il était à la boîte à gants parce qu'il a quand même une carrière internationale. Il se débrouille bien, il arrive à sortir. Là, il a joué il joue beaucoup en Espagne, et quand il arrive à venir, il joue un peu en Suisse, en Italie. Il a joué à Berlin, hein, et donc bon, Yaima, c'est, elle a plus de mal à sortir, mais bon, le projet à sortir de Cuba, hein, ouais, à sortir de Cuba, ouais. Et le projet, ben, c'était un peu le coin culminant. On a dépensé l'argent qui restait l'année dernière en jouant au festival de jazz de la Havane, et où on nous avait demandé de jouer. On avait embauché parce qu'il voulait un groupe plus grand, donc c'était à 6 musiciens. Mais bon, moi, je vais retourner 2 mois. J'y repars en janvier pour 2 mois cette fois-ci. Et on va essayer de continuer à jouer quand même. Et puis, alors, il y avait cette idée, un peu à l'instar d'un Fils de Constantine, d'en faire un deuxième volume en livre-disque, quelque part, avec Los Oros Invisibles. Est-ce que c'est toujours en projet? Ou du moins, d'avoir un enregistrement, quoi, c'était un peu l'intention aussi. Ah ben, l'enregistrement existe parce qu'il a été fait. En fait, on a pas mal bossé à la fabrique en 2022, là, quand ils étaient venus pour 13 concerts, qu'on avait eu les visas pour 3 mois. Et donc, je pense que cette année, on va faire le mixage et essayer de réaliser le disque. Parce que je bosse avec Nico Sauvigné, qui était qui travaille un peu le technicien de la fabrique, et je lui dis, là, c'est vrai que 2022, il faut qu'on mixe cette année, parce qu'après, c'est un peu loin, quoi. Après, on continue de faire vivre le projet, hein. Moi, j'ai pas l'intention de l'arrêter, mais c'est compliqué, quoi. Un projet comme ça à distance avec international. Bon, là, on a quand même fini, disons, l'argent, et c'est quand même pour pouvoir faire. Mais bon, on va essayer quand même de continuer à le faire vivre, et au moins de faire, au niveau de la fabrique, de faire le disque, quoi. Ça, c'est le projet artistique. On a repris finalement un peu les choses de façon assez chronologique, hein, avec donc Un Fils de Constantine, ce premier livre, disque. Le projet avec Los Oros Invisibles et les Cubains, Cubaines que tu as pu rencontrer et mener ce Un Fils de Constantine 2. Et puis, avant de revenir à l'annonce de cette rencontre, de ces rencontres de dimanche, revenir sur la dernière actualité et davantage politique en date, celle qui est intervenue ce printemps, puisque... un journaliste, grand reporter, Vincent Jaugère, enquêtait sur des liaisons réelles ou supposées de l'agence des services de renseignement tchécoslovaque avec des journalistes français. Et ça a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle « À la solde de Moscou », qui a été publié, il me semble, en mars dernier, qui est paru aux éditions du Seuil. Donc 12 Français, me semble-t-il, seraient donc concernés de liens avec cette agence d'espionnage ennemie. Et parmi ces journalistes fait partie ton papa, Albert-Paul Lantin, cité avec alors des documents à l'appui. Hein. Ça, c'est la levée des archives qui a permis d'accéder à ces données-là. Ces archives des services de renseignement de l'ex-Tchécoslovaquie. Donc ton papa a été largement mis en cause, ce qui a donné lieu à quelques articles, hein, publiés ici et là, et le mettant plutôt à mal, concernant une sorte de forme de trahison ou haute trahison. Chose à laquelle vous avez bien entendu répondu. Oui, alors on a répondu avec un communiqué de la famille qui a été... qui est passé dans Mediapart. Bon, moi, ce que j'aurais envie de dire là-dessus, c'est que... Peut-être représenter les choses, Dominique. C'est-à-dire, de quelle manière ton papa est mis en cause, Il est mis en cause pour avoir travaillé espionnage, puisqu'il y a eu les ouvertures des archives tchèques, et qu'il y a des photos même décrites de sa main. Donc, je veux dire, c'est clair qu'il a bossé avec les services tchèques. Maintenant, après, la façon dont M. Jaugère décrit les choses pour IA dans son livre... un certain nombre de mensonges. Il y a, je veux dire, des choses, des interprétations malveillantes qui sont, après tout, c'est son droit. Et puis, il y a un portrait d'Albert-Paul Lantin où là, il tombe dans le grotesque. Les gens qui ont connu Albert-Paul, je sais pas, des journalistes un peu anciens comme Hervé Hamon, tous ceux qui, je veux dire, on parle de grotesque et par rapport à... Parce que quand on n'a pas connu quelqu'un, bon, autant qu'il a le droit de parler des... Il y a effectivement des documents. Il a travaillé avec les services tchèques. On a le droit d'en penser ce qu'on en veut. Moi, je pense qu'après, il y a un mélange de vérité, d'interprétation malveillante et de mensonge où c'est... Bon, on a fini par avoir la clé USB avec tous les documents. Moi, honnêtement, j'ai pas encore étudié ça, mais Bon, je prends un exemple. Par exemple, quand Monsieur Jaubert dit oui, c'était pour, il le décrit comme un dandy parisien un peu, qui aimait. C'était de toute façon, c'était une histoire d'argent, de d'ego pour acheter son appartement devant la Tour Eiffel. Bon. Je veux dire, il y a jamais eu, nous, on a grandi devant la tour, devant un appartement rue Octave Gréard qui passe devant la Tour Eiffel, mais il y avait une loi de loyer plafonné. Donc, je sais plus si c'était 1900, une loi de, bref, les loyers étaient plafonnés. Ils avaient changé cet appartement après la guerre avec une vieille dame pour qu'il était beaucoup trop grand. Ils n'auraient jamais acheté d'appartement. Donc, quand on sort quelque chose comme ça, il n'y a pas d'information qui existe. Ça veut dire qu'il a inventé. Donc, voilà, quand on invente... Oui, c'est une supposition, mais qui semble être d'ailleurs soutenue par d'autres journalistes collègues de ton père à l'époque, de dire que l'argent semble être peut-être la motivation principale. C'est possible que, après, je crois que mon frère a étudié plus, il a même eu Monsieur Jaubert au téléphone. Moi, je voulais pas lui parler parce que je pense que ça aurait tourné vinaigre assez vite, quoi. Mais qu'il y a eu un peu, apparemment, les sommes étaient pas si importantes que ça, hein, je veux dire, concernant mon père. Donc, oui, il y a sûrement eu, ça fait un peu de boulot. Oui, il y a quelques infos disséminées ici et là, comme quoi il serait allé à un sommet de l'OTAN, par exemple. Oui, mais alors là, moi, je pense que. Rémunéré par les services. Ouais, là, monsieur se fait beaucoup mousser. Hein, ouais. Et des fois, il y a des choses où, moi, je l'ai vu en interview, où c'est un peu monsieur, je sais tout. Il y a des trucs auxquels je crois pas du tout. Par exemple, où il a aucune preuve. Il dit, ah, oh, bah oui, il a dû travailler après avec les Russes, après Prague. Moi, je m'excuse, mais en 68, j'avais 13 ans. J'étais jeunesse anarchiste communiste. Toute la famille allait aux manifs de 68. Moi, j'y rentrais plus tôt parce que j'avais 13 ans. Donc, je restais pas quand ça commençait à devenir chaud. Et j'ai très bien le souvenir, enfin j'ai le souvenir de mes parents à quel point ils étaient atteints par Prague. Donc qu'il ait bossé avec les Tchèques, oui, qu'il ait ils dans ont quel, dans, mais dans quel but? Parce de ce que j'ai relevé des archives, c'est qu'il aurait publié une bonne centaine de notices biographiques et participé donc à des centaines de rencontres secrètes. Oui, alors là encore. En tant qu'agent. Oui, mais c'était quoi ces rencontres secrètes? Alors, Monsieur Jaubert, ouais, voilà. Encore, lui a dit. D'ailleurs, il a été reçu par Blast, qui pour moi m'a un peu déçu quand même de la part de Blast, de Philippe Robert, qui a l'air de rien connaître Denis à Robert, l'histoire. Ouais. Denis Robert, ouais. Ben voilà, lui dit oui, il parle de ses rencontres comme si c'était du pur espionnage. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être, je veux dire, les gens, je veux dire, qu'est-ce qu'il avait à vendre, Albert Pollentin, ses analyses politiques? Donc peut-être qu'il y avait des rencontres aussi, je veux dire, où on parlait politique, on parlait des guérillas à soutenir. On peut, je veux dire, en 1959, c'est les Tchèques qui ont vendu les armes au FLN pour, je veux dire... Ouais, alors ça aurait duré 10 ans. Albert Pollentin, alias Eman, de son nom d'agent, et qui, alors dans certains papiers, sont relayés le fait qu'il aurait espionné, donc pendant à peu près donc fin des années 60, hein, la vie de dirigeants français également. Donc, oui, moi je crois qu'il a rien espionné du tout. Est-ce que ça s'est avéré ou non? Non, c'est de la... Pointant c'est... comme ça leur faiblesse, que ce soit des problèmes d'argent, d'addiction, de relations extra-conjugales, enfin des trucs qui semblent un peu... Oui, il y a quand même effectivement des choses qui peuvent poser question, mais il n'a rien espionné du tout. Il savait, je veux dire, c'était les milieux, s'il disait que machin... En plus, il y a des choses qui sont là aussi un peu fausses, parce qu'il y a des... Bon, il y avait un certain... Quand on parle d'opposants, bon, là, pour le coup, moi je ne veux pas trop rentrer dans le détail, parce que je n'ai pas assez étudié l'affaire, mon frère a lancé un peu plus là-dessus, il a un peu plus regardé. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, mais il n'a pas espionné. Je veux dire, c'était des... On pouvait dire, il y a des trucs, effectivement, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux dans sa vie, hein, que de ce travail-là, où il dit, ah bah tiens, peut-être Macha faisait des partouzes, mais est-ce qu'il a été espionné pour ça? Non, c'est des trucs qui devaient traîner dans le milieu parisien, je veux dire. Et l'autre point, le plus surprenant, c'est là... où certains de ses collègues de l'époque sont assez surpris et remontés, c'est qu'il aurait donné, entre guillemets, des gens exilés, réfugiés en France avec droit d'asile, donc des dissidents. Alors ça, pour mon frère qui a un peu étudié l'affaire, c'est faux. Okay. Là aussi, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment tout reprendre. Monsieur Jaubert, il n'a pas fait un travail d'historien. Son style est proche, moi je dirais même de Voici parfois, ou même de Minute, hein, le journal d'extrême qui essaye de salir. On est en plein, je veux dire. Donc, au milieu, il y a des choses vraies, c'est sûr. Il a fait un travail de journaliste. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas bossé. Mais après, moi je l'ai vu dans Blast dire oui, de toute façon, il a quitté le Nouvel Observateur parce qu'il voulait y créer des soviets ou je sais pas quoi. C'est pas sérieux une minute. Moi je sais que de l'époque, il a quitté parce que Jean-Daniel était trop pro-israélien et que ça lui allait pas, justement sur la Palestine. Donc moi, quand je veux dire les mensonges, j'en sais rien. Oui, l'espion parlait arabe. Ben, ça m'aurait pas déplu que mon père, Calbert Paul Lantin, parle arabe. Il a jamais parlé arabe. Donc quand on voit les mensonges, un certain nombre de trucs, après, je veux dire, il faut se faire à nous de nous faire notre idée. Ça prendra du temps, mais ça demanderait un travail d'historien qui replace les choses dans le contexte et là, on n'est pas dans un travail d'historien. On est dans un, je m'excuse, mais j'ai envie de dire un journalisme commercial où on essaye de vendre. Absolument. Dans le scoop, le sensationnel, voilà. Est loin de l'analyse. Et c'est précisément aussi cette question-là que vous allez évoquer. Voilà, donc peut-être que Bachir, l'idée est d'ouvrir le débat là-dessus. Parce que comment on peut résister aujourd'hui si on tape à Albert Paul Lantin, qui est-ce qui sort? C'est Vincent Jaubert, qui va, pour moi, raconter quand même beaucoup de choses qui sont des mensonges. Et lui se fait de la pub. On va ouvrir Wikipédia, on va ouvrir et on trouvera son nom partout. Donc c'est quand même sur la façon dont Internet et Wikipédia, aller corriger Wikipédia, c'est très compliqué. Moi, je suis nul sur Internet, et puis ça me saoule, quoi. J'ai pas envie de passer mon temps, mais mon frère qui a regardé, qui est un peu plus, ouais, donc c'est pour ça, nous, au niveau de la famille, on est obligé. Mais bon, moi, c'était en projet avant, hein, mais c'est pour ça que je l'avais dit au rédacteur du Nouvel Observateur, là, qui m'avait appelé quand j'étais de retour de Cuba. Je lui avais dit, mais moi, de toute façon, on va faire un documentaire et on va dire ce qu'on pense, nous, qu'au moins il existe, voilà, par les disques et par les documentaires. Ouais. Si vous voulez savoir notre version à nous, eh ben, ça sera en réponse par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Alors justement, le disque et le journalisme, les journaux n'achètent pas ça. On va écouter un petit extrait de cette plage, Dominique, si tu veux annoncer, lancer. Là, pour le coup, c'est Mourad Bourboune qui parle un peu de ça, quoi. Et ça, ce journalisme-là, eh ben, il existe de moins en moins. Il y a une espèce de journalisme qui va de l'Express, de l'Observateur, tout ça, une espèce de consensus libéralo-humanitaro, sans muscles, sans rien, et qui est finalement un journalisme d'accord avec l'exploitation des autres, un journalisme lâche en sens qu'une corde est lâche, elle n'est pas bien serrée, et lâche aussi dans l'autre terme aussi. Les engagements sont extrêmement feutrés aujourd'hui, sans signification. Ouais, les journaux n'achètent pas ça, quoi. Ce journalisme-là, déjà, qui existait, bien sûr, mais qui existait de façon marginale, c'était le sensationnalisme, c'était quelques journaux populaires qui nous paraissaient complètement ridicules, qui ne paraissaient pas être journalistes du tout, qui aujourd'hui sont la règle partout. La télévision, les journaux les plus sérieux font l'émotion, le sensationnalisme, qui jadis était réservé aux journaux pas sérieux. Le journalisme, c'était chercher les choses, les expliquer, des choses importantes. Il élaguait tout ce qui était la mousse, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que la mousse. Parce que c'est le plus rapide possible, c'est... vendre un article, ça faisait rire, quoi, de dire je vais vendre cet article dans ce sens que je vais l'écrire pour qu'il soit attractif et lu, le vendre dans l'écriture, quoi. Et comme tu peux vendre une chanson. Albert Paul, c'est ce genre de personnage dont on peut difficilement mesurer l'impact parce que ce qu'il a apporté au monde a été digéré, fait partie de la conscience collective des gens. Je ne sais pas, ses idées, son combat par exemple sur la Palestine, c'est aussi exemplaire, aussi capital que son combat pour l'Algérie. Et je crois que ses textes là-dessus restent encore, pour l'instant, quelque chose de fortement, fortement éclairant pour les générations actuelles. Je suis persuadé, moi, directeur de journal, si j'étais directeur de journal actuellement, si, bon, ben voilà, un jour, par exemple, Sharon vient de prendre le pouvoir en Israël, j'aurais mis en contrepoint, ressorti un ou deux textes de Lantin, et on n'y aurait rien à changer là-dessus, son jugement sur Sharon, sur les massacres Sabra et Shatila, et sur quantité de... je crois qu'il a, il a eu un jugement sûr, clair, précis, et des engagements à la suite de ce jugement aussi sûr et aussi clair. C'est véritablement des leçons de journalisme à prendre, parce que, en fin de compte, ça dépasse le simple journalisme événementiel où il s'agit en gros de rapporter plus ou moins, avec plus ou moins de talent tel ou tel événement et donner plus ou moins un éclairage. Les textes d'Albert Fromentin sont des petits essais pratiqués dans le cadre du journalisme. C'est une analyse, c'est un jugement, c'est en même temps une position morale, c'est à la fois une position économique, c'est une espèce de totalité des choses, ce qui fait qu'ils ne sont pas frappés d'obsolescence par l'avancée ou le mouvement des choses ou la modification. Il allait directement au noyau même, à la mécanique même qui avait créé l'événement, avec l'implication des hommes, des combats, des classes et des... Et ce genre d'analyse, effectivement, perdure, reste quand on a atteint le noyau des choses, le noyau bouge rarement. Voilà un extrait du livre disque, Un fils de Constantine, à propos du journalisme. Bah oui, et là, Mourad Bourboun, il dit tout ça au début des années 2000, hein, on parle effectivement des massacres de Sabra et Shatila. Donc, aujourd'hui, malheureusement, je veux dire, les choses n'ont pas forcément évolué dans le bon sens. Absolument. Quand on voit tout ce qui se passe. Je discutais avec Bob Lippmann, qui est américain, qui est donc très sur l'histoire américaine. À quel point, je veux dire, des choses ridicules, mais ça peut, finalement, bon, c'est comme cette histoire de, oui, les migrants mangent vos chats et vos chiens, mais après, il y a du ratissage et on retrouve des espèces de néo-nazis qui défilent dans la rue, quoi. Donc, ce qui est grotesque n'est pas seulement grotesque, est quand même très dangereux à l'heure actuelle, quoi. Cela promet en tout cas de riches échanges, justement, ô combien d'actualité aussi au vu de ce qui se déroule à l'occasion de ces rencontres autour des mémoires d'Albert-Paul Lantin, Dominique, qui se tiendra ou se tiendront pour ces rencontres de ce dimanche 13 octobre à partir de 14h à la cale amicale laïque du Cred Rock, 16 rue Royer à Saint-Étienne, avec Alice Cherki, Bachir Benberka et donc des lectures concerts avec des artistes que tu as invités autour de ce projet Un fils de Constantine, entrée libre avec dans l'idée bien sûr rémunérer les intervenants de cette journée, de ces rencontres, mais surtout, non, ils ne sont pas rémunérés en fait, disons à défrayer, je voulais dire indemnisés, payer leur billet de train, on va dire. J'ai dit rémunérer, ouais, voilà, l'absus ou erreur de ma part, ils viennent pas, c'était pour indemniser, je voulais dire, les déplacements et des intervenants. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'était de reverser les fonds à Medical Aid for Palestinians. Voilà. En partenariat avec l'Amicale laïque et le réseau Trace. Merci Dominique. Et la cale. Il faut aussi dire la cale. Tout à fait. Merci à toi pour l'accueil. On a besoin de faire parler parce que c'est vrai que ces grands journaux, ils prennent toute la lumière. Absolument. Même si on prend une grande leçon de journalisme, là aussi, hein, avec ce que l'on vient d'entendre et qui interroge parfois aussi sur nos propres médias et de notre immédiateté, la radio, et de sa dynamique, son rythme, qui parfois empêche aussi peut-être ce temps lent, parfois. Bref, c'est un autre débat. On laisse sur cette ouverture. Merci Dominique, et belle rencontre pour ce dimanche 13 octobre. On va terminer en musique avec, je pense d'ailleurs, une proposition qui devrait plutôt te plaire, Dominique. C'est un album qui va sortir ce 11 octobre. On avait déjà adoré leur premier album sorti en 2021, tout simplement et sobrement intitulé Bacchante. Elles sont de retour avec un deuxième album qui s'intitule Pas un bruit. Elles ont travaillé à distance. C'était pas toujours très simple pour elles de pouvoir être réunies au travail, dans l'écriture, ce qui a demandé justement d'adapter ce temps long et de s'adapter au rythme comme ça des rencontres assez espacées mais intenses pour ces artistes. Amélie Grosselin, Claire Grupalo, Astrid Radig, Faustine Selman, qui assurent ce projet Bacchante avec un sacré, je dirais, instrumentarium finalement. C'est très, très bien réussi, orchestré avec de la guitare, avec de l'harmonium indien, de la flûte irlandaise, du kalimba, de l'auto-harpe, de la flûte traversière, des percussions et j'en passe, et les voix surtout, bien sûr. Bacchante, que je vous propose de découvrir avec ce titre, Les oiseaux, pour boucler ce programme en guise de générique de fin. Tout de bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. tortolan, rossignol, hirondelle, pivert, coucou, grive, merle, sansonnet, canard, perroquet, tourterelle, ramier, colombie, corbeau, hibou,